Matignon, bonjour. Oui, allô? Allô, allô? Allô? Cinquante-sept rue de Varennes, de François Perrache. Troisième saison. Avis de tempête. Pour que les dieux s'amusent beaucoup, il importe que leurs victimes tombent de haut. Cinquante-sept rue de Varennes. 13e épisode. T'as trouvé ça où ? Bah sur son site. Il a plusieurs homonymes, un acteur de série B, un joueur de hockey sur glace. Lui, c'est brianonilmusic.com. Je t'ai imprimé toutes ses dates de concert. Il a un agenda rempli pour les 4 prochaines années et il va diriger des orchestres dans le monde entier. Ok. Merci, Armel. Je t'ai surligné en jaune les dates de tournée en France et en orange les dates en Europe. Super. Ah ben voilà ce qu'il me fallait. 7 au 14 mai, Mozart, Les Noces de Figaro, Opéra de Paris. Et Stéphanie, elle chante dedans ? Oui, elle jouera Suzanne, je crois. Alors, encore un rôle de jeune fille. Heureusement que le public est loin de la scène. Les Noces de Figaro, on n'est pas passé loin. Hein. Je ne me voyais pas annoncer à Pablo qu'ils allaient jouer la flûte enchantée. Comment il s'appelle déjà, le directeur de l'opéra ? Picmal. C'est ça. Trouve-moi son numéro, s'il te plaît. Je vais lui présenter mes vœux pour la nouvelle année. Cotap 1, barré au décollage. Le chat parti, les souris dansent. Après un court moment d'abattement suite à la publication des photos montrant son épouse en compagnie d'un amant, le premier ministre Mercadal repasse à l'offensive contre le président qui s'est envolé vers d'autres cieux. Plantons, mes amis, le décor de la suite de notre tragédie. Elle ne se déroulera ni à Delphes, ni à Épidaure dans un palais antique aux colonnes de marbre, mais 39 800 pieds au-dessus de l'océan Atlantique, à l'intérieur d'un avion de marque Airbus, modèle 340-200 de l'escadron de transport 360 SDRL de l'armée de l'air, piloté par le commandant Jeanne Mercier. C'est dans cet avion que le président de la France éternelle va trouver la mort. Mais peut-être pas tout de suite. Le président n'a pas fini de jouer son rôle et il sait ménager ses effets de surprise. Je suis sûr que tous ensemble, au-delà des idéologies, au-delà des préjugés, au-delà des dogmes, par le dialogue et dans le respect de chacun, nous pouvons faire gagner la France et c'est pour cela que je suis candidat. Après cette annonce surprise, lors de ses vœux télévisés, le président s'est envolé le soir même pour New York, où il doit prononcer un important discours à l'ONU. 4, 3, 2, 1, bonne année ! Bravo ! Bonne année à toutes et à tous ! S'il vous plaît. Merci, merci. Merci d'avoir renoncé à votre réveillon pour m'accompagner à New York. Non, avouez qu'il y a des voyages de presse plus désagréables. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on passe la nouvelle année dans l'Airbus présidentiel au milieu de l'Atlantique. Mais ne buvez pas trop de champagne quand même, c'est pas bon pour le jet lag. Hein. Ah non, Hakim a raison. Je vous ai pas invité pour que vous dormiez demain pendant mon discours à l'ONU. C'est pour toi, ça. Allez, bonne année à tous et à toutes, et à la paix au Yémen. À la paix au Yémen. Au Yémen. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, monsieur le président, pour cette nouvelle année ? À part une réélection, évidemment. Non, non, non. Bien tenté, Élise, mais on a dit qu'on parlait pas de politique intérieure. Le Yémen et l'Assemblée Générale de l'ONU, c'est tout. On peut poser des questions quand même, Hakim. Monsieur le Président, vous avez parlé de votre candidature avec le Premier ministre avant de l'annoncer ? Bon, Élise... Non, pour l'instant, toute mon attention est portée sur la crise internationale sans précédent que nous traversons. Bon, je sais qu'un président ne devrait pas dire ça, mais j'ai pas l'intention de me laisser marcher sur les arpions par les Russes. Oui, d'accord. Mais pour revenir sur vos vœux, vous avez pris tout le monde de court en annonçant votre candidature ce soir. On fera un point là-dessus en rentrant à Paris, Élise. C'est pas le moment. Oui, on aura l'occasion d'en reparler. Ma priorité du moment, c'est le Yémen, Sanaa, Moscou et Sanaa. Alors, en attendant, souhaitons-nous à tous la réussite de cette Assemblée Générale et une bonne santé pour cette nouvelle année. Au Yémen ! Yémen ! Justement, à propos de santé, il y a des rumeurs persistantes depuis Noël sur une possible procédure de destitution à votre Bon. On évoque une possible implication de l'Élysée dans la mort de Jean-Philippe Bélanski. Élise ! Quelle indignité ! Quelle indignité ! Vous n'avez pas honte de me poser une question pareille ? Je vous emmène passer le réveillon à New York, tout frais payé pour vous parler du Yémen, et vous venez colporter des rumeurs sordides. Mais vous n'avez pas mieux à faire à France News ? Non, c'est pas l'idée que je me fais des services publics. Bon, allez, on a encore 5 heures de vol, demain la journée sera très longue, le président doit aller se reposer, vous devriez tous en faire autant. Allez-y, monsieur le président, si vous voulez rejoindre votre cabine. Bon, Élise, viens par là, s'il te plaît, je vais te parler de mes... Je fais mon travail. L'histoire et pourquoi je flaire le vent quand je longe les abattoirs et de qui je suis le jouet, comment je ne m'appartiens plus car ma vie est derrière moi, seul m'obéir est dévolu, je suis le fruit tombé de l'arbre et l'objet de perversion. Pablo ? Tâchez d'aller au nid. Jauni, sali, séché par le vent noir des passions. Bonne année. T'as repris du poil de la bête, hein ? Qu'est-ce que tu fous, là ? Tu parles tout seul ? Bonne année, ma poule. Excellente année. Je perds pas de temps. J'élimine les excès d'hier soir et j'entraîne ma mémoire. Mens sana in corpo sano. Box et Aragon. Corpore sano. Bon, alors, qu'est-ce que t'as décidé ? Il dit combien, le chrono ? Quoi ? Il reste combien, ce chronomètre ? Là, sur le banc, à côté des haltères. Il reste 2 minutes 40. Tiens, tiens-moi le sac, David, s'il te plaît. Allez, David, bien fort. Oh, Pablo, je suis en costard. Tiens-moi ce sac. Tu fais chier, hein. Bon, et essaie de pas m'en coller une cette fois. Oh, écoute, David, tu l'as pas fait exprès. Ouais, j'espère bien. J'ai passé les 10 jours suivants à présider des réunions interministérielles avec un noyau beurre-noir. Alors bonjour la crédibilité. Hein. Bah, c'est très bien que les gens pensent que je sois capable de casser la gueule de mon directeur de cabinet. Salut Rocky. Eh ben, ça va mieux, on dirait. Oh oui, la candidature du président l'a remontée à bloc. Bonne année, Laurence. Bonne année. Bon, toi Pablo, je te ferai une bise quand t'auras pris une douche. Hein. Alors, qu'est-ce que t'as décidé ? C'est le défilé aujourd'hui, David, toi, vous allez tous venir m'emmerder quand je fais du sport. On aimerait juste savoir, est-ce que t'es candidat ? Quand est-ce que tu te présentes ? C'est ça que j'aime chez toi, Laurence. Straight to the point. Ouf. Bien sûr, je suis candidat. Parfait. Quand ? Quoi, quand ? Quand est-ce que tu annonces ta candidature ? J'ai des dizaines de journalistes qui nous appellent depuis hier soir. Aucune date, on noie le poisson. Non, mais il nous faut une date, Pablo, un calendrier. Si je me déclare, je devrais quitter Matignon. On bouge pas avant février ou mars. Quoi ? Mars ? En mars ? Ça nous laisserait à peine 6 semaines pour faire campagne. Blitzkrieg ! Oh, mais mars, c'est beaucoup trop loin, Pablo. D'ici là, en restant à Matignon, tu risques de dégringoler dans les sondages. Mars ? Et pourquoi pas le 1er mai, tant qu'on y est ? Bon, alors mettons mi-février, mais pas plus tôt. Mi-février ? À la Saint-Valentin ? Bah ouais, c'est parfait pour une déclaration. Bon, alors le 10 février, vous m'emmerdez à la fin avec vos calendriers. Je sortirai le plus tard possible, point barre. Non, Pablo, maintenant que le président s'est déclaré, tu peux pas lui laisser le champ libre. Ça fait 40 ans que les journalistes se fadent la bobine du président. Au petit déjeuner, au dîner, à midi... Il a été député pendant 30 ans. Il est passé par tous les ministères possibles, par Matignon, l'Élysée. Les Français veulent passer à autre chose. Les Français peut-être, mais lui... 10 février, ça va être sympa les conseils des ministres du mois de janvier. Et en attendant, je raconte quoi, moi, journaliste, pendant 40 jours? Ouais, ce que tu veux, improvise. Ouais, dès maintenant, on repasse à l'offensive, hein, tous azimuts. Primo, on avance en sous-marin sur la procédure de destitution. Je dois consulter tout le monde. Je monte un rendez-vous discret avec la petite Kervelec pour la sonder. Elle lâchera jamais le président. On a besoin des sénateurs si on veut que la procédure aboutisse. Il nous faut quoi? Les deux tiers, c'est ça? Oui, dans chaque assemblée. Ensuite, il y a un mois de débat. Et puis, il faut encore les deux tiers à la haute cour. Enfin, bref, c'est pas gagné. Bah, on doit tenter le coup. Il faut au moins que le vieux sente le vent du boulet. Il va pourrir sa campagne. Avec Kervelec, je lui mets la pression. Je veux pas que le Sénat me foute les bâtons dans les roues. Elle lâchera jamais le président. Tu paries? Si nécessaire, avec elle, je sortirai la grosse artillerie. Pablo, laisse Tiffany en dehors de ça. Si elle bronche pas, elle aura pas d'ennui, sinon je l'écrase. David, tu m'organises aussi une rencontre avec Joyau. Mm-hmm. Je vais siffler la fin de la récréation avec lui. Je veux qu'il me dise à quelles conditions on peut faire revenir les dissidents au bercail. Je veux tout le groupe derrière moi pendant la campagne, tous. Joyau, c'est pas le plus compliqué. Il en veut un mort au président de l'avoir viré du gouvernement. Puis, si tu lui promets un beau portefeuille, ça devrait marcher. Ah, super. Et on en est où avec l'agence de com' pour ma campagne? On a des pistes? Tu crois pas que j'ai attendu que tu décides? J'ai une équipe de chez RSTB sur le coup depuis 10 jours. J'ai déjà fait 2 brainstorms avec eux, ils sont en train de plancher. Ils nous feront des propositions pour ton affiche et ton slogan la semaine prochaine. Faut que je trouve un endroit discret pour que tu les rencontres. On va pas faire ça ni chez Zonia Matignon. Et qu'est-ce qui paye? Ça a coûté une blinde. T'occupe. Faut pas me plomber mes comptes avant même le début de la campagne. Le financement d'ailleurs, on en est où? Les micro-partis, ça avance? T'occupe, je te dis. Il faut toujours ignorer ce qu'il est inutile de savoir. Tout ce que je te demande, c'est qu'on fasse pas la une du canard. Oui, je connais mon métier. J'aurais juste besoin que t'ailles refaire la tournée des popotes à la City pour boucler le tour de table. Il manque beaucoup? Il a combien le plafond? Pour le premier tour, le plafond de financement, c'est 13,7 millions par candidat. Et un peu plus de 18 si tu vas au second tour. Ok, 18 millions, ça devrait pas être trop dur à trouver. Tout est clair donc? Alors, il n'y a plus qu'à. C'est parti. 10 février, le président va avoir 40 jours de campagne d'avance sur nous, avec la force de frappe de l'Élysée. Hein? Il va s'épuiser, le vieux, croyez-moi. Il n'a plus les jambes. Il est parti trop tôt. D'ailleurs, un dernier truc, vous deux. Je veux que vous me montiez demain ou plus tard une visite d'un centre d'hébergement d'urgence ou équivalent. Mais pas un centre pour migrants. Des gens de chez nous. N'importe où. Un truc bien pourri. Dans un bled paumé. Je veux que les Français voient que je m'occupe de nos pauvres pendant que le président va boire du champagne à New York. Magnifique! Magnifique! Bravo, monsieur le président. J'en ai encore la chair de poule. Vraiment, c'était la plus belle intervention de votre quinquennat. Dans 20 ans, on en reparlera encore, ça c'est certain. Et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, je veux agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Ils croient en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. 4 minutes 30 du jamais vu dans l'enceinte de l'Assemblée, monsieur le président. J'ai regardé mon portable, 4 minutes 30 d'applaudissements debout. Bon allez, faut y aller maintenant, monsieur le président. Il faut transformer l'essai. Il y a au moins 400 journalistes du monde entier qui nous attendent. J'ai fait un point avec Laurence, elle me dit qu'à Paris, on passe en boucle sur les chaînes infos et que vous allez faire la une de toute la presse. On pouvait pas rêver un plus beau lancement de campagne, ça va être une grande année. Eh ben vous voyez, Hakim, vous pensiez tout ce que je m'étais déclaré trop tôt. Oh, je suis fatigué d'avoir toujours raison. Vous vous êtes déclaré trop tôt, mais là, je dois admettre... Bon, alors maintenant, on enchaîne. Conférence de presse, demain, déjeuner à la Maison Blanche, Jeudi, visite du Capitole, et vendredi, on rentre. Non, on rentre à Paris ce soir. Ah non, vous pouvez pas annuler le déjeuner à la Maison Blanche. J'ai aucune envie de déjeuner avec ce cow-boy de supermarché. En plus, il a aussi invité Werther, Graziello, Van Buyten, Blanche-Neige et les Sept Nains. Je vais être perdu dans la masse et j'ai rien à leur dire. On va encore pleurer sur l'OTAN et la défense européenne. De toute façon, je les verrai tous à Davos dans 3 semaines. Non, ça ne me semble pas une bonne idée de faire une impolitesse aux Américains, monsieur le Président. Pas maintenant. Vous êtes déjà mis des Russes à dos. De toute façon, impossible de rentrer tout de suite. L'aide de camp vient de me dire qu'ils annoncent une tempête de neige à partir de cette nuit pour au moins 48 heures. T'as raison de plus pour partir avant ce soir. Je fais la conférence de presse et on rentre. Je veux être au Conseil des ministres. Pas question de laisser Mercalal le présider à ma place, même une seule fois. Mais il n'y a pratiquement rien à l'ordre du jour, mercredi. 3 nominations de préfet, une communication de la CNIL et le projet de loi environnement. Toute la presse sera focalisée sur votre discours ici. C'est le premier conseil de l'année, il est très symbolique. Surtout une année électorale, je rentre. C'est quoi, c'est cette histoire de destitution qui vous inquiète? Mais Pablo est en train de partir complètement en roue libre. Je pense qu'il était bouleversé par son histoire avec sa femme, mais il s'est permis de me laisser un message très agressif juste avant mes vœux du 31. Ah bon? Ah, c'est pour ça que vous aviez l'air... D'accord, et c'est à cause de lui que vous êtes déclaré plus tôt que prévu? Il cherchait peut-être à vous manipuler, il disait quoi dans son message? Mais il commence à être hors de contrôle, je l'ai appelé 3 fois depuis avant-hier sur son portable perso, il m'a pas répondu. C'est plus de la fâcherie là, c'est une crise institutionnelle, si je peux plus joindre mon premier ministre pendant 48 heures... Vous allez le recadrer et voilà, et moi je fais quoi avec les journalistes français si vous rentrez? Ils vont être furieux de raccourcir leur week-end new-yorkais. Non, non, vous restez avec eux jusqu'à vendredi, comme prévu, pour les promener, faire le service après-vente. Moi, je rentre cet après-midi. Ça veut dire affréter un Airbus supplémentaire juste pour 20 journalistes? On n'est plus à ça près. Oui, sauf que maintenant que vous vous êtes déclaré, ça peut entrer dans vos comptes de campagne. Pour une visite à l'ONU, en tant que chef de l'État, après un discours historique. Mes comptes de campagne, non mais il ferait beau voir. C'est pas les gâteaux du Conseil constitutionnel. Monsieur le Président, c'est trop précipité. Donc, fin de la discussion, Hakim. On fait la conférence de presse et je rentre à Paris juste après. Prévenez l'aide de camp. Tempête ou pas, je veux être à l'Élysée demain matin. C'est pas 3 flocons, enfin. Allez, on y va. Elle me va comment, cette cravate? Très bien. Non, parce que si je dois faire la une de Time Magazine... C'est mieux que Paris Match. Où est-ce que je l'ai foutu ce... Tiens, Armel, tu peux me passer ce paraffin, s'il te plaît? Là, sur le dessus, là. Le rouge? Non, ça c'est la pile des trucs que j'espère commencer à lire avant la fin du quinquennat. Et je peux te dire qu'il y a des mecs qui sont pas prêts d'avoir leur réponse, là. L'autre pile, s'il te plaît, à gauche. Non, encore à gauche. Celui-là? Non, encore. Voilà, cette pile-là, là. Le bleu, là, sur le dessus, là. Merci. Ah, Mazel Tov, coup de bol. C'est ça que je voulais te montrer. Je peux pas envoyer comme ça la signature du PM. Il faut que tu le renvoies au SGDN, copie d'IRCAP Défense, d'IRCAP Intérieur, SGG, Préfecture, et en disant au SGG que son texte, hein, il est très bien, il est formidable, blablabla, mais qu'il doit remplacer... Enfin, qu'on lui suggère de remplacer partout vidéosurveillance par vidéoprotection. Vidéoprotection, hein, ok. Et je mets Charles-Antoine en copie aussi? Ouais. Et cachée. Copie cachée, hein. Parce que sinon, ils vont nous faire... Il est où, Pablo? Bonjour, madame. Bonjour, Stéphanie. Bonne année. Il est où? Il est en réunion à l'extérieur. Un 1er janvier? À Matignon, on s'arrête jamais, hein. La preuve, on est là. Ouais. Je sais que tu ne chumes pas. Je viens de parler à Brian. C'est dégueulasse ce que vous faites. Quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Tu te fous de moi? J'ai appelé Brian qui a fini par me lâcher le morceau. Il a subi des pressions de l'opéra, puis Pikmal lui a laissé entendre qu'il pourrait annuler sa série de concerts si on continue à se montrer ensemble. C'est vous qui avez appelé Pikmal? Qui? Ah, oh, c'est pas de ma faute si le jeune et brillant chef d'orchestre, Brian O'Neill, préfère donner la priorité à sa carrière plutôt qu'à votre humblurette. Je t'interdis de mettre le nez dans mes histoires. Qu'est-ce que vous avez promis à Pikmal? Rien. Rien. Simplement, ce mandat à la tête de l'opéra est renouvelé en avril. Hein? Tu dois être la seule chanteuse lyrique de Paris à pas être au courant. Enfin, mais si tu passais plus de temps dans les salles de concert... Ah, parce que t'as aussi un avis sur ma carrière artistique. Non, je suis pas critique musicale, mais j'arrive encore à faire la différence entre la Castafiore et la Callas. Tu sais ce que j'en fais de ton opinion? Stéphanie, tu sais comme moi que si tu n'étais pas la femme de Pablo, tu serais en train de chanter du bel canto dans des pizzerias, Belleville. Espèce de... J'ai pas fini. Si tu veux continuer à te faire applaudir poliment dans toutes les salles d'Europe, il va falloir changer d'attitude. Tout de suite. Pablo peut très bien se passer de toi, je suis pas sûr de la réciproque. Donc, demain, tu vas appeler ton avocat pour annuler ta procédure de divorce. Et la semaine prochaine, on monte une conférence de presse avec Alice et toi autour de Pablo. Oui, note aussi dans ton petit agenda que tu vas être assez occupé à partir du 10 février. Pablo lance sa campagne et il va y avoir beaucoup de réunions publiques. Hein, faudra apprendre à sourire un peu plus. C'est bon, t'as fini ton numéro ? Non. Une dernière petite chose. J'ai des photos à te montrer. Ça me rappelle Brigitte. J'ai fait mon service au 13e RCP en Algérie. Brigitte, c'était le surnom qu'on donnait chez les paras à la tour de Sceaux pour les entraînements. Sauf qu'on n'est pas à l'entraînement là, monsieur le président. Allez vous asseoir et attachez-vous s'il vous plaît. J'ai fait mes premiers sauts sur un C-47 Dakota. Vous connaissez ? J'ai vu des photos. Avec ventral et de nuit. Hein. Et on m'a remis mon brevet, ma plaque de vélo, comme on disait. On a arrosé ça au champagne, évidemment. J'avais 18 ans et 3 mois. Oh, oh là là là. Oh, je suppose que c'est pas le moment de vous raconter ma plaque misogyne, commandant. Peut-être pas, monsieur le président. Je la raconte au copilote, alors. C'est votre premier vol avec moi, non ? Oui, monsieur. Sacré baptême, hein ? Et vous, commandant, vous vous souvenez de notre premier vol ensemble ? Berlin ? Oui, j'étais élu depuis 48 heures. On s'est pris la foudre. La foudre au mois de mai. J'ai jamais eu de bol avec la météo. J'aurais tout eu, la foudre, la neige, la flotte. Gouverner, c'est pleuvoir. Vous verrez, jeune homme, j'adore raconter les blagues au commandant Mercier pour la distraire. Surtout au décollage ou à l'atterrissage, quand on a besoin d'être bien concentré. Donc, ma blague, vous savez quelles sont les dernières paroles enregistrées sur la boîte noire de la navette Challenger ? Juste avant qu'elle explose, non ? Non. Allez, sois sympa, laisse-la piloter. Vous me l'avez déjà raconté, celle-là, monsieur le président. Et maintenant, retournez à votre place, s'il vous plaît. Et attachez-vous. J'insiste, vous savez lire un altimètre et une carte météo ? Ben, j'ai les bases. Alors regardez cet écran-là. Oh merde. Et comme vous dites, et ce qui est devant est encore plus vilain. Donc soit vous retournez vous asseoir, soit vous profitez des boîtes noires pour enregistrer une parole historique. Le micro qui enregistre les sons dans le cockpit est là. Si vous avez quelque chose à confesser, c'est le moment. J'aurais trop à raconter. Une boîte noire n'y suffit. À suivre. Rue de Varennes, rue de Varennes, de François Perrache. 13e épisode. Louis Do de Langsin, Christian Gouna, Éric Caruso, Emeline Bayard, Yannick Choira, Valérie Dashwood, Alain Rimoux, Anne Cantino, Peggy Martineau, Coralie Zaonero, Bastien Bouillon et Delphine Léonard. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur soutien et leur accueil. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossir. It's bad, you know.